C'est le moment de la semaine où on parle technologie d'information. Raymond Poirier, qui est chargé de communication Elitis, est avec nous. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et cette semaine, on va parler d'objets connectés, si on aime ça, entre autres, mais aussi pour guider les malvoyants dans les villes. Exactement. Je me suis dit, en fait, faisons un petit survol transport. Prenons une pause de ces chroniques très, très chargées et denses en sujet et allons plutôt faire plein de petits clins d'œil à des initiatives qui sont assez sympathiques. Et comme tu le disais, ben commençons avec l'idée des technologies pour guider les malvoyants dans les villes. On se rappelle quand même là, qu'il y a près de 300 millions de personnes dans le monde qui souffrent de déficience visuelle. Il y avait le journal The Economist qui signalait d'ailleurs il y a quelques semaines de ça que les outils susceptibles de les aider à se déplacer ont peu évolué depuis les années 1920, date à laquelle les cannes furent peintes en blanc pour permettre aux autres piétons de les remarquer. Et donc, dans le contexte actuel où on a une explosion dans différents axes et domaines, il y a quand même pas mal de projets qui tirent parti donc des avancées récentes en technologie, de réalité virtuelle, reconnaissance d'image, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait en lien avec la malvoyance? Notamment, 4-5 exemples, un dispositif basé sur la Kinect pour détecter les obstacles. Alors ça, c'est une initiative d'étudiants de l'Université de Pennsylvanie. En 2011, prototype. Donc l'idée, c'est un dispositif embarqué pour aider les non-voyants à se déplacer en les alertant à l'approche d'un obstacle. Donc on tire parti des capacités du Kinect, initialement conçu par Microsoft, on se rappelle, pour faire du jeu vidéo sans manette. C'est ça pour les jeux vidéo, hein? OK, mais c'est un peu comme la Wii, mais avec carrément plus besoin de manette, t'es devant ta télé, tu gesticules et ça fait bouger ton personnage. Et donc, le système associe cette Kinect-là avec 6 micromoteurs qui émettent des vibrations, c'est fixé à une ceinture, et lorsque la caméra intégrée à la Kinect détecte un objet, eh bien, il y a un des moteurs qui se met en marche. L'intensité des vibrations varie en fonction de la distance entre l'obstacle et l'utilisateur, etc., etc. Alors, de cette manière-là, ben, on est en mesure d'un peu plus savoir qu'est-ce qui s'en vient. C'est un peu les axes, d'ailleurs, qui sont pas mal mis de l'avant dans les exemples que je vais mentionner. Et dans le registre, d'ailleurs, il y avait aussi une équipe de chercheurs espagnols qui mettait une canne intelligente équipée de microcontrôleurs qui ajuste la distance des objets dans l'environnement de son propriétaire en fonction des caractéristiques physiques et le reste. Donc, l'idée, promènes, puis il y a quelque chose qui t'avertit, qui dit « Hey, il y a quelque chose en avant, tasse-toi ». Mais on le fait avec les véhicules qui savent se stationner presque toutes seules ou qui sont capables de dire bon mais t'as un objet puis on y a un petit son qui est émis à chaque fois, plus on se rapproche plus le son est intense. Mais je vois pas pourquoi on peut pas le faire avec les non-voyants ou les malvoyants. Exactement. Puis en fait on peut le faire évidemment avec des dispositifs comme celui que je viens de mentionner avec des caméras quand même, on s'assemble assez, il faut le porter. Oui. L'idée c'est aussi de trouver des manières d'amener ça de manière la moins invasive possible pour l'utilisateur. Notamment, il y a un ingénieur indien de 24 ans qui a annoncé en 2013, lui, la mise au point d'une chaussure intelligente. Oh là! Quand même! Donc, ça aiderait les malvoyants à se déplacer dans un environnement urbain. Les chaussures qui se connectent à un GPS d'un téléphone mobile. Et lorsque la personne malvoyante formule oralement sa destination, il y a un circuit électronique situé dans la semelle qui émet des vibrations et qui lui indique s'il faut aller en avant, s'il faut tourner, aller en arrière. Donc, les vibrations sont d'abord légères puis s'intensifient quand l'utilisateur se rapproche du point où il doit tourner. Alors, c'est pas nécessairement pour savoir s'il y a un obstacle en avant de soi, mais par contre, pour savoir où je dois aller dans une ville que je ne connais pas, ça peut être intéressant. Combiné en plus avec l'obstacle, ça peut quand même faire des trucs assez stimulants. Mais ça peut être intéressant aussi, même pour les gens qui voient. Il y en a qui n'aiment pas nécessairement traîner une carte ou qui ont de la misère à se reconnaître avec un GPS ou avec une carte. Bon, on peut avoir ça. Bon, c'est un peu lâche, là, mais c'est pas donné à tout le monde le sens de l'orientation. Où on va pouvoir éventuellement avoir ça. On parle quand même encore de projet pilote, mais ça donne des idées d'éléments qui se développent. Et si, exemple, les caméras, c'est pas des caméras Kinect, ça devient des capteurs infrarouges sur une canne. Pourquoi pas? Il y a des étudiants de l'École supérieure des sciences et technologies de Nancy qui ont mis au point, eux, une canne connectée qui permet d'accéder à un certain nombre d'informations inaccessibles jusqu'alors sans l'aide d'une autre personne. Donc, exemple, pour savoir si un feu est rouge ou vert pour traverser, pour se repérer en ville également. Alors ça, c'est à l'aide de capteurs infrarouges. Donc, on sécurise les déplacements des malvoyants en détectant les obstacles, mais en allant un peu plus loin. Évidemment, à ça, il y a aussi le classique sonore. Alors, il y a des sociétés société en Corée du Sud, Taïwan et Grande-Bretagne qui ont entrepris d'intégrer des sonars dans les cannes blanches pour reproduire artificiellement la compétence utilisée par les chauves-souris ou les dauphins. Alors, c'est de l'écolocation ou écolocalisation. Donc, ça consiste, on le rappelle, à émettre des sons, à écouter leur écho pour localiser et, dans une moindre mesure, identifier les éléments d'un environnement. Alors, donc, l'idée, c'est encore là de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, est-ce que la meilleure manière, ce serait avec l'infrarouge, ce serait avec des sonars, ce serait avec des caméras, des capteurs? La question peut se poser, mais il y a quand même pas mal de pistes qui sont présentement explorées. Des pistes comme ça, il y en a d'ailleurs en fonction de différents handicaps. Seulement à l'Université Laval, il y a un projet qui s'appelle MobiliSig, qui, eux, s'intéressent aux personnes à mobilité réduite. Donc, comment optimiser les parcours, comment accompagner virtuellement, dans le fond, les personnes qui ont besoin de types de déplacements peut-être un peu plus adaptés, qui ne peuvent pas passer n'importe où. Ben donc, c'est le genre d'initiatives qui sont développées actuellement pour... Ben, permettre aux technologies de faciliter la vie des gens, au bout du compte. Mais Raymond, dans ton pot pourri sur les transports, on a parlé des malvoyants, de comment on pourrait, dans le futur, les aider avec la technologie. Mais sinon, pour les fameux automobilistes, il y aura aussi moyen de géolocaliser des places de stationnement disponibles. Oui, en fait, il faut dire, l'information en temps réel sur les places de stationnement, les voiries, parking, ça suscite quand même plusieurs initiatives, un peu partout à travers le globe, d'ailleurs. Francisco, Los Angeles ont déployé à grande échelle des systèmes comme StreetMart Technology, StreetLine. Il y a d'autres technologies qui ont été mises en place en France et ailleurs. Et donc, essentiellement, on parle d'une première génération de systèmes intelligents de stationnement qui repose sur le déploiement d'un réseau de capteurs sans fil qui sont eux-mêmes reliés à des applications mobiles. Alors, on a des capteurs au sol ou intégrés aux horodateurs qui permettent de déterminer si l'emplacement est occupé ou non par un véhicule. Et après une centralisation, on obtient une vue d'ensemble de la disponibilité sur un quartier, sur un îlot, l'information que les déclinés dans des applications, etc., etc. Et donc, de ce côté-là, on en avait déjà parlé, je pense, à un moment donné, dans une chronique. Ouais. Donc, l'idée, c'est de pouvoir payer à distance le stationnement, pouvoir savoir dans quelle zone il y a des stationnements disponibles. Les services de police peuvent savoir aussi quand quelqu'un est encore stationné, mais qu'il n'y a pas de paiement qui a été fait à cet horodateur-là, entre autres choses. Mais, évidemment, c'est le genre d'outil qui, dont l'application est relativement limitée. À mesure où les réseaux de capteurs, il faut les installer, et on s'entend, c'est pas gratuit installer un réseau de capteurs, soit au sol si il y a pas de neige, soit dans les horodateurs si on est dans une région où il neige pratiquement la moitié de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est du côté de l'Université d'État de New York, ils ont mis au point un dispositif de stationnement qui contourne justement le déploiement d'un réseau de capteurs. Alors, ça s'appelle Pocket Parker, et ça agrège les données issues de l'accéléromètre des smartphones des conducteurs. Donc, essentiellement, on analyse les mouvements des autres voitures, leur vitesse de déplacement dans une zone. Donc, s'il y a un automobile qui avance très lentement, donc l'application déduit que l'automobiliste cherche ou attend une place de stationnement. Et donc, on caractérise la zone comme étant dépourvue de place libre. Donc, on se dit s'il y a des gens qui attendent, qui roulent pas vite, qui cherchent et qui ne trouvent pas, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ouais, ben il me semble, en tout cas, je trouve ça un peu aléatoire quand même, parce que si, par le plus grand des hasards, il y a 20 véhicules tout soudainement dans la zone qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas de téléphone intelligent, ben là, les données sont pas bonnes. Exactement. En fait, c'est un peu la question et le défaut peut-être de cette application-là, c'est qu'on prend pour acquis que tout le monde a un téléphone intelligent. Moi, je l'aime pas, cette application. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Par contre, l'avantage que là, c'est qu'elle est essentiellement gratuite et donc elle projette les données déduites sur OpenStreetMap. Donc, on peut carrément aller sur le web puis voir, ben, OK, est-ce qu'il y a techniquement, selon l'application, des stationnements dans ce coin-là? Mais c'est vrai qu'à part les capteurs, c'est très difficile, mais encore là, les capteurs, s'il y a un scooter, par exemple, de stationner, est-ce qu'on va être capable de le détecter? Et comme tu disais, il y a déjà les parcomètres, on pourrait se fier à ceux qui ont mis de l'argent dans le parcomètre, mais ça ne veut pas dire qu'on respecte le parcomètre, c'est peut-être qu'on a dépassé la limite, finalement, la place est prise. Finalement, c'est pas évident de déterminer ça. Exactement, donc de quelle manière on peut essayer de parfaire un peu ces éléments-là? De quelle manière on peut déterminer aussi quelles zones sensibles on veut couvrir avec ce type d'outils, ce type d'applications-là. Donc, il y a quand même pas mal de réflexions à faire. Il reste que il y a beaucoup de villes qui s'y intéressent parce que en heure de pointe, ça représente une part importante du trafic dans le centre-ville, donc des gens qui cherchent un endroit où se stationner la fin de semaine, pendant les grands événements, il reste. Alors, ça demeure quelque chose qui serait utile pour la fluidité des centres-villes. Alors, ce sera intéressant de voir si éventuellement il y aura d'autres options, effectivement, que les capteurs qui vont réussir à s'imposer dans ce registre-là. Oui, j'ai déjà voulu stationner à 9h pile sur René Lévesque au moment où on commence à avoir le droit et il y a des autobus qui ne m'aimaient pas, mais on avait le droit, que c'est tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sinon, on va rester dans les automobiles. Tu nous parles de téléphone mobile qui pourrait être la clé de contact. Ben oui, pourquoi pas la possibilité d'utiliser un smartphone, un téléphone intelligent comme clé de contact, ça figure depuis des années parmi les promesses de ce qu'on appelle la voiture connectée. Les loueurs de véhicules, les acteurs d'autopartage qui ont été les premiers à utiliser des téléphones intelligents comme dispositif de contrôle. Apple a déposé, je pense que c'était en 2010, un brevet pour l'utilisation de téléphones intelligents comme clé des automobiles de location. Et ça fait déjà quelques années aussi, les propriétaires de Volvo qui peuvent vérifier à distance sur leur téléphone que les portières sont verrouillées. Il y a Renault, BMW aussi qui ont des applications comme ça. On peut même préprogrammer le chauffage de l'habitacle. Consulter le taux de charge de la batterie aussi dans le cas d'automobiles électriques. Les grands équipementiers qui font chaque année la démonstration aussi de leur système de démarrage sur des prototypes. Les constructeurs qui hésitent à installer évidemment ce système-là en raison des risques de dysfonctionnement, mais aussi par crainte du piratage. Ouais. Dans la mesure où, j'ai un sans-fil, je démarre mon automobile, ben quelqu'un qui s'y connaît en informatique est peut-être aussi en mesure de la démarrer et de faire des éléments comme ça. Et autre élément à surveiller de ce côté-là, c'est l'idée de rapprochement entre les constructeurs automobiles et les fabricants de téléphones intelligents pour partager les systèmes d'exploitation. Donc, ça va faciliter l'interconnexion entre l'informatique embarquée qui est disponible dans les automobiles et l'informatique de mon téléphone. Sinon, il y a Tesla, notamment, qui devrait mettre à jour l'électronique de son modèle S pour permettre son démarrage par le biais d'une application iPhone. Et il serait le premier constructeur à proposer une fonctionnalité de ce type-là sur des véhicules de série. Et pour revenir à notre question de hacking. Oui. Il y a des hackers qui avaient signalé les diverses failles qui permettraient à un tiers de prendre le contrôle du véhicule. Et donc, question justement de voir si ça marche. Tesla organise des hackathons. Il invite des hackers à essayer de hacker la sécurité des véhicules et leur donne 10 000 $ s'ils réussissent. Ça vaut la peine, oui. Si on s'y connaît un peu. Donc, on peut imaginer qu'il y a des gens qui testent. Oui, mais heureusement, quand on offre cette technologie-là, on veut pas que nos propriétaires se fassent voler toujours leur véhicule. Sinon, on revient dans la ville pour améliorer le trafic urbain. Il y a des villes qui collaborent avec Waze. Waze, oui, une application mobile gratuite de navigation GPS qui a la particularité de s'appuyer sur une cartographie documentée par ses propres utilisateurs. Donc, c'est comme OpenStreetMap. Donc, c'est pas Google qui envoie ces autos, c'est n'importe qui partent avec leurs outils et qui vont documenter la ville. Donc, ça permet une certaine précision à l'intérieur de ces cartes-là. À tout moment, évidemment, les utilisateurs de l'application peuvent signaler des accidents, des travaux, un embouteillage, un radar. Le système avertit les automobilistes qui utilisent l'application et qui comptaient emprunter la même route. Donc, ça se fait littéralement en temps réel. Pour beaucoup, c'est le futur de l'application GPS parce que, justement, ça implique un réseau d'utilisateurs. Puis, dans le fond, que les conducteurs puissent, entre eux, s'informer des ralentissements de vitesse, de la rapidité de déplacement, etc., etc., etc. Et la nouveauté là-dedans, c'est qu'il y a 8 villes, Rio, San Jose, Barcelone, Jakarta, Tel Aviv, Boston, Salt Lake City, Los Angeles, qui ont fait un partenariat pour permettre aux autorités locales d'accéder en temps réel aux données agrégées et anonymisées relatives aux incidents de la circulation. C'est souvent des informations qui sont plus précises que celles dont disposent les autorités, ce qui est quand même pas rien. Ouais. En contrepartie, les villes, elles, s'engagent de transmettre à Waze des informations relatives aux travaux de voirie programmés, à des événements programmés et le reste. Donc, subitement, on va tomber dans un outil qui va être alimenté à la fois par les utilisateurs et à la fois par les villes pour faciliter justement la fluidité urbaine. Donc, ça risque d'être intéressant de voir si les retombées sont positives et si éventuellement ce type d'application-là commence à être utilisé de manière beaucoup plus large dans des villes comme Québec, par exemple, ça changerait quand même de manière assez importante la dynamique des déplacements. Mais le GPS de Google Maps commence aussi à le faire parce qu'on est capable de cerner les zones de travaux, on est capable même d'évaluer le temps que ça va nous prendre avec la congestion, avec le trafic. Tu viens de comprendre pourquoi le Google a commencé à le faire. Parce qu'il y avait ça qui existait. Voilà. Il n'y en manque pas une, Google. Mais Raymond, ça fait le tour de ces nouvelles en vrac sur les transports connectés, on va l'appeler comme ça. Sinon, tu as une activité aussi qui s'en vient le 4 novembre prochain. Exactement, une activité gratuite dans le Grand Hall du Musée de la Civilisation. c'est en 5 à 7. Alors, on est autour un peu de la thématique de la narration en patrimoine et en culture. Donc, comment la haute technologie peut servir la recherche en sciences sociales et humaines? Qu'est-ce qui est fait en recherche en sciences sociales et humaines avec oui. les technologies aussi? Donc, qu'est-ce qui se fait en patrimoine, dans les musées, en archéologie, en littérature, en théâtre? Donc, on va explorer ça au fil d'une table ronde qui va être animée par la journaliste Françoise Guénette. Donc, pour essayer de comprendre ce qui se fait, ce qui pourrait se faire, et qu'est-ce que ça vient aussi changer dans notre compréhension des dynamiques de culture et de patrimoine. Donc, qu'est-ce que ça vient apporter? Qu'est-ce que ça vient détruire aussi, peut-être? Pourquoi pas? Alors, donc, c'est une conférence, je le rappelle, c'est au Musée de la Civilisation, mardi 4 octobre, donc mardi prochain, à 17h. L'entrée est libre. On a un bon 2 heures de réflexion à vous proposer. On a plus d'informations sur votre site web. itis.ulaval.ca. Raymond Poirier, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.